Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Bon, rencontre ici avec Gilles Martin. C'était assez chaud. C'était assez chaud nos échanges, hein, tu trouves pas? Non, pas du tout. Tu sais, à partir du moment où tu m'appelles, tu dis que tu as envie de parler du bouquin, etc., que tu appelles déjà ma maison d'édition Eden, alors qu'elle s'appelle Aden, je me suis dit que bon, il y a un minimum de renseignements à prendre quand on fait un travail où on interroge les gens. Donc voilà, je me suis senti un petit peu pas forcément. Compris quand la façon dont tu m'as présenté l'entretien, quoi, tout simplement. Oui, enfin, on va pas polémiquer là-dessus, mais oui, j'ai fait Eden, Aden. Voilà. Tu peux comprendre que des fois, tu sais, on a plein de choses en tête, on n'a pas tout le temps Eden, Aden, tu vois, ça peut porter à confusion, quoi, tu vois, mais je vois très bien les éditions Aden, vexé parce que j'ai dit Eden, quoi. Ça, c'est une chose. Et la deuxième... Attends. Et moi, en fait, je n'ai pas pour les éditions... ces éditions-là. Je venais pour parler bouquins, librairie, ici, Jolimet. Alors, je savais que c'était Gilles Martin qui gérait la librairie. Bon, on doit couper parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà que je venais pour Jolimet, et c'est vrai que ma présentation au téléphone n'était pas très claire, mais en même temps, je veux dire, parlons-en un petit peu quand même, parce que moi, j'ai bien aimé, t'étais pas docile, quoi, t'es un peu rentre-dedans, je veux dire, moi aussi, du coup, ça a fait un peu des étincelles, mais je veux dire, voilà, t'étais un peu, tu exprimais que les journalistes font mal leur travail, et que voilà, nanana. Tu te souviens de ce que t'as parlé hier, voilà. Bon, maintenant, on se rencontre pour Jolimet, librairie, ici à Saint-Gilles. Et voilà, est-ce que tu peux un peu te présenter comme tu as envie? Voilà, moi je suis libraire chez Jolimet, qui est une librairie qui essaye de mettre en avant des bouquins un peu différents. En particulier sur le mode de... Notre critère, c'est quand même d'essayer de mettre en avant... des livres qui font réfléchir, que ce soit et qui développent l'esprit critique, que ce soit sur le thème de la jeunesse, des sciences humaines, du roman, etc. Ça, c'est un critère, si tu veux. L'autre critère, c'est qu'on essaye aussi de s'intéresser à ce qui est ce qui se fait pas mal dans l'édition indépendante. Et donc, c'est-à-dire, on n'essaye pas de sortir, de se précipiter sur les bouquins qu'on trouve partout, quoi. On fait quand même attention à ce qui se fait dans la petite édition de qualité. Ça ne veut pas dire petite édition indépendante de qualité. On essaie aussi quand même de voir des choses qui sont bien faites, des contenus intéressants et aussi des choses jolies par rapport à la forme, etc., quoi. Donc ça, c'est un petit peu la définition, si tu veux, de Jolimet, quoi. En termes de choix des bouquins qu'on fait, etc. Mais moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, puisque tu avais les éditions... Attention, Grasdit, ne te trompe pas, Aden. Comment s'est passé à Jolimet, ou bien t'as deux librairies, ou comment ça se passe en fait? Non, j'avais les éditions Aden qui avait une librairie, et rapidement s'est fait jour l'idée de se dire on va plutôt créer une librairie plus large que la librairie Aden, qui était quand même assez pointue, surtout au niveau politique et sciences humaines. Donc l'idée, ça a été d'élargir rapidement en ouvrant une librairie qui s'appelait Jolimet, qui était avec un champ beaucoup plus large que le champ classique, autour des éditions Aden, et qui permettait d'ouvrir aussi beaucoup plus à des choses comme la littérature, la jeunesse, la BD indépendante, les ouvrages plus graphiques, etc. quoi. Donc vous avez ouvert le champ, vous n'êtes pas resté dans quelque chose de pointu et justement un peu hors catégorie, quoi, parce que les éditions Aden, c'était ça. Hein. Quand on rentrait dans cette librairie, on savait qu'on allait trouver des bouquins hors catégorie, hors normes. Tandis qu'ici, j'ai l'impression comme ça, Jolimet, en fait, pourquoi Jolimet ? Premièrement, pour répondre à la première chose que tu dis, je ne suis pas d'accord, on reste quand même hors normes et on trouve des bouquins que tu ne trouves pas forcément aussi facilement ailleurs. Il y a des choix assez clairs. On ne peut pas dire une ligne éditoriale pour une librairie, mais je pense qu'il y a une ligne éditoriale extrêmement claire, et c'est celle que j'ai définie auparavant, dans la question que tu as posée auparavant. Et le nom de Jolimet, c'est un clin d'œil à Chris Marker, à François Maspero. C'est l'idée aussi un petit peu de l'esprit un peu du printemps, l'esprit de mai 68, etc. Donc faire souffler sur le monde de l'édition et le monde de la librairie, un vent de fraîcheur. Et je pense qu'on a tout à y gagner de mettre en avant ce type de publication. Il y a vraiment un vent de fraîcheur ici dans la... c'est ouvert depuis quand, en fait, Jolimet à Saint-Gilles ? C'est ouvert depuis 2 ans. C'est ouvert depuis 2 ans. C'est à toi de juger. Moi, je pense que c'est bien. Donc oui, pour moi, il y a un vent de fraîcheur. On est quand même dans une période où il y a plein de choses qui se passent dans l'édition et plein de choses passionnantes. Donc on essaye de refléter ça au maximum, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'édition de passionnant ? Parce que moi, ce n'est pas mon rayon, donc j'en apprends par ton billet, quoi. Écoute, y a énormément de maisons d'édition qui se créent pour le moment. Il y a vraiment une dynamique assez créative, en particulier dans l'image, en particulier dans la BD indé, dans la jeunesse, et même dans l'édition de critique sociale. Il y a de plus en plus de petites maisons d'édition très sympathiques qui se créent, quoi. Quoi, ici, en Belgique, à Bruxelles, où tu parles... Non, partout dans le monde francophone, quoi, que ce soit en France, au Québec, en Belgique, il y a vraiment une espèce de dynamisme au niveau de l'édition, ouais, c'est clair. C'est marrant parce que j'ai souvent eu cette idée que justement les petites librairies, tu vois, c'est des idées que j'ai maintenant, que les petites librairies tombent. Attends, c'est autre chose. C'est pas parce qu'il y a une dynamique au niveau éditorial et qu'il y a plein de choses qui sortent que ça se vend super facilement. Ça, c'est autre chose. Il y a la situation, si tu veux, de la production culturelle qui est super intéressante et il se passe plein de choses. Après, tu as la situation économique qui n'est pas évidente du tout. Ça, c'est deux points différents. Il ne faut pas mélanger du tout les deux. Je crois que c'était lié, moi. Genre, quand tu as envie de vivre de quelque chose et que tu lances ton projet, tu te rends bien compte que ça tombe assez vite. Donc, tu vois le voisin qui l'a fait. Tu ne vas pas vraiment te lancer là-dedans. C'est ce que je me disais. Non, je ne vois pas pourquoi, en quoi ça serait lié. Il y a plein de gens qui essayent de fonder leur maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui naissent, il y a des maisons d'édition qui disparaissent. Si tu veux, la vitalité du secteur n'est... Parce que ça, c'est une conception assez néolibérale, finalement. C'est de dire, il y a plein de choses qui vont se créer parce que ça marche financièrement. C'est faux. Il y a plein de choses qui se créent alors que ça ne marche pas financièrement. Et il y a beaucoup de gens qui se plantent, il y a beaucoup de gens qui galèrent. Énormément de gens qui sont dans la petite édition indépendante sont dans des statuts hyper précaires et sont dans des situations économiques hyper fragiles. Donc, c'est encore rassurant que, quelque part, que l'édition indépendante ne marche pas parce que ça rapporte de la thune, quoi. Ça marche parce qu'il y a une volonté, je pense, chez les gens et chez beaucoup de créateurs, chez beaucoup d'éditeurs, de mettre en avant des nouvelles choses, des nouvelles réflexions, parce qu'on est vachement interpellé par ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux, quoi. Chez beaucoup de gens qu'on essaie de pousser ici, quoi. Oui, mais tu dis que c'est une pensée néo-libérale, le fait que ça marche financièrement. OK, mais je veux dire, quand tu regardes les livres, si on aborde vraiment le sujet du bouquin, d'abord, c'est pas dans toutes les couches de la société que le bouquin entre, voilà, il y a ça. Je veux dire, pour lancer sa propre édition ou pour ouvrir une librairie, mais un bouquin, quand je le mets, évidemment, moi, je pense que c'est une nourriture, quoi, on a besoin de nourriture, mais tout le monde ne pense pas ça. Je veux dire, quand t'as faim, ton bouquin, tu peux le foutre dans ta bouche, il va pas te nourrir, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même une sphère de la population. Après, évidemment, il y a tout un travail, il y a tout... j'imagine que c'est pas non plus n'importe qui lance des librairies ou des éditions comme ça. Tu comprends ? Donc c'est quand même... C'est pas une vision néolibérale, mais c'est une vision... Faut quand même avoir un capital, quoi. Voilà. Justement, ce qui fait que beaucoup de choses se sont, beaucoup de maisons d'édition se sont créées, c'est qu'aujourd'hui, avec très peu de capital, tu crées une maison d'édition. Par rapport à il y a 20 ans, ça s'est démocratisé justement. Et je pense que dans toutes les couches de la société, il y a des projets qui se créent. Je veux dire, dans tous les quartiers populaires, il y a des snacks qui ouvrent. Il faut aussi un capital. Je ne vois pas pourquoi le monde du livre serait plus un truc qui exigerait que ce soit un truc de bourge ou un truc de riche. Je veux dire, c'est une question d'éducation et de choix. Si dans la société, on lit moins qu'auparavant, ça veut dire quelque chose. Ça veut pas c'est pas forcément lié au budget. La plupart des gens ont des téléphones super chers, mais trouvent qu'un livre à 10 euros, c'est cher. C'est pas une question économique, c'est un choix idéologique et philosophique, je pense. Oui, ça en fait partie, mais n'empêche, quand tu nais dans un milieu, enfin, tu peux pas nier, enfin, voilà, après, c'est l'éducation, c'est ceci, cela, mais je veux dire, tu peux dire ce que tu veux, les bouquins... Si t'as pas été éduqué à ça, ben ça vient pas comme ça. C'est pas le premier truc qui rentre dans une maison parce que t'en as pas besoin forcément dans ton assiette, quoi. Après, oui, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein. Cette idée de bouquin qui rentre dans les maisons ou pas. Moi, je me dis ça en fait. Je me dis que c'est déjà n'importe qui rentre ici dans la librairie, il faut être honnête, je suis sûre que c'est pas le gars d'en face ici qui tient justement son pita qui va venir voir tes bouquins, quoi. C'est aussi enfin voilà, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, en fait? Je comprends pas. J'arrive plus à suivre le fil de l'histoire, mais l'idée c'était de dire que les petites maisons d'édition, c'est toi qui dis ça, elles n'arrêtent pas de... Il y en a plein qui se créent, et moi je te disais, bah oui, mais c'est marrant, moi j'ai plutôt tendance à entendre l'inverse, qu'il y en a plein qui tombent aussi, et tu me disais, bah oui, il y en a plein qui se créent, il y en a plein qui tombent, et du coup, tu disais que c'était une idée vachement néo-libérale, que d'imaginer qu'une librairie, si elle n'est pas rentable, donc on ne la fait pas, et là je te dis, bah... Oui, mais c'est pas dans n'importe quelle couche de la société que tout le monde va vouloir ouvrir une librairie, quoi. Voilà. Ouais, on mélange plusieurs choses, quoi. Je pense que maintenant, la vraie question, c'est pourquoi, justement, dans les milieux populaires, etc., le livre pénètre moins que dans certains milieux, entre guillemets, plus favorisés. Et encore, il faudrait le démontrer, quoi. C'est aussi parce qu'il y a le rôle de l'école, il y a le rôle de la culture, etc. Il suffit de regarder. On vit dans un monde où les services publics sont quand même vachement détruits, etc. Et donc, y compris aussi tous les, que ce soit l'enseignement, tout le travail de promotion culturelle, etc. Les bibliothèques vont recevoir moins de moyens, donc les bibliothèques qui favorisent les lecteurs publics, etc. Donc c'est aussi un symptôme de société contre lequel beaucoup de gens qui viennent ici et qui créent des maisons d'édition ou bien des auteurs, etc., s'insurgent et galèrent. Donc ici, nous, on met en avant aussi pas mal de maisons d'édition qui sont quelque part militantes. Quand on voit comment les gens vivent, comment les gens se payent dans les projets, etc., à commencer par nous, hein. Donc, c'est pas un milieu où on gagne sa vie. On est tous dans des statuts précaires, etc., quoi. Donc, il y a aussi une volonté hyper militante, etc. Et donc, c'est un peu... Je me comprends. Je m'insurge, disons, contre l'idée de dire qu'ici, on est dans une espèce de petit microcosme pour une élite, quoi. C'est faux. Je pense qu'on est, au contraire, on touche énormément de gens qui sont dans des situations pas forcément évidentes et qui essayent de réfléchir et de changer le monde, quoi. C'est le public, en tout cas, qu'on vise. Bah, c'est chouette, ça. Et quoi, quand je parle, par exemple, des petites librairies qui tombent, est-ce que... Les gens lisent moins. Est-ce que tu peux... Enfin, je ne sais pas, depuis combien d'années tu es aussi en lien comme ça avec les livres? Donc, depuis combien de temps, en fait, ça a commencé comment pour toi? Bah, moi, ça fait 15 ans que je suis en librairie et que je fais de l'édition. Donc, je peux te dire que les choses se sont plutôt améliorées, je trouve. Donc, la situation économique s'est dégradée, mais la situation de la curiosité et l'envie des lecteurs s'est plutôt améliorée. On sent augmenter une curiosité, et en particulier chez les jeunes, pour ce qui se fait dans l'édition. Moi, j'ai connu l'édition au début, au milieu des années 90, c'était, ou 90, c'était le désert, quoi. C'était le désert, il y avait plein de maisons d'édition qui étaient... plein de petites maisons d'édition qui avaient disparu, on n'avait que des gros groupes, etc. Et cette tendance, c'est vrai, existe encore, mais il n'y avait pas ce foisonnement tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, il se passe quand même quelque chose, quoi, d'intéressant. Oui, une nouvelle... Des bouquins autres à lire, que c'est ça que tu me disais hier au téléphone, que la FNAC ou Tropisme. Tu peux un peu expliquer alors la, la, la différence de la FNAC et Tropisme par rapport à Jolimet, par exemple? Déjà, je ne mettrais pas la FNAC et Tropisme dans le même groupe. On est plus proche Tropisme et Jolimet, c'est des librairies qui ont un point commun, c'est que c'est des librairies indépendantes, ce qui n'est pas le cas de la FNAC qui appartient à un grand groupe financier. Ça, c'est déjà une chose. Et la différence, c'est tout ce que je viens de t'expliquer avant. C'est les choix qu'on fait au niveau éditoriaux et les maisons d'édition qu'on met en avant, et tout simplement, quoi. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, tu vois, c'est effectivement, on choisit soit via les éditeurs de qualité indépendants, soit dans les grands groupes, parce qu'on a par exemple des livres de grands groupes, hein, que ce soit chez Fayard, chez Gallimard, etc. Des livres que nous, on estime qui ont une contribution, qui apporte quelque chose pour faire avancer le schmilblick, quoi. Mais écoute, l'échange, il est comme ça. Là, moi, je te pose des questions sur ton métier. Je suppose que toi aussi, spontanément, tu peux dire des choses sur les livres. J'imagine qu'en 15 ans de temps, tu as pu voir pas simplement cette différence que tu expliques. C'est-à-dire que, oui, il y a une plus large diffusion de livres alternatifs, on va dire ça comme ça. Je suppose que tu as d'autres choses aussi à faire partager que sur ces 15 ans. Qu'est-ce que tu... Parce qu'on n'arrête pas de dire que les gens lisent de moins en moins, que c'est vrai, c'est pas vrai, tu le vois dans ton... Je viens de répondre, voilà, point. Je t'ai dit, oui, je pense que les gens sont plus curieux et les gens cherchent des solutions à ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc on vit dans un monde où il y a plein de crises majeures, hein, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, écologiques, etc. Donc je pense que les gens cherchent des réponses. Donc oui, les gens veulent lire plus et sont en demande. Si tu vas vers les gens et que tu leur mets des bouquins intéressants dans les mains, ça prend. Et il faut faire cette démarche, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur vendre des trucs abrutissants ou des conneries, on est là pour essayer d'éveiller les gens. Donc, et quand on le fait correctement, ça marche. Et donc ça, c'est le rôle de prescription du libraire, quoi. Nous, on est là pour leur mettre des trucs dans les mains intéressants, quoi. Voilà. Bon, bah, écoute, d'habitude, ça dure 40 ou 45 minutes, mais là, comme t'es là, comme ça, à m'attendre au chaque tournant pour quand... C'est toi qui parano. Oui, je l'ai déjà dit. Bon, bah, merci. Bah, ouais. Bonjour. Il fait que je vends du miel naturel, ça vous intéresse? Ah, ouais. Ah, la bonne idée, tiens, dans une librairie du miel. Voilà, ce qui s'appelle une rencontre ratée, où ben voilà, ça ne prend pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas fluide. On était plutôt sur la défensive, donc j'ai pas pu apprendre grand-chose de cette librairie Jolimet, si ce n'est, oui, qu'elle propose de bouquins alternatifs, bien faits, joliment faits. Voilà, donc c'est avenue Paul de Jarre, vous pouvez trouver cette... librairie à Saint-Gilles, au numéro 29. Eh bien, c'était en 2014, une caravane des sans-papiers migrants qui arrivait d'Allemagne et qui allait marcher de Strasbourg à Bruxelles pour réclamer la liberté de circulation et les mêmes droits pour tous. Hello ! Voilà, c'est parti. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je suis Trésor, citoyen du monde. Trésor, c'est joli ça. Trésor, c'est mon trésor, quoi. Ok. Et tu peux un peu expliquer, ici on est au bois de la Cambre à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe en fait En fait, c'est comme vous le constatez, là actuellement c'est des réfugiés qui sont en train de marcher depuis pratiquement un mois. Et voilà, là nous sommes en train de faire la pause pour arriver un petit peu plus tard sur Bruxelles. Et Bruxelles, c'est bien évidemment... le sommet, le Conseil européen et puis le Parlement. En fait, nous avons des revendications en tant que migrants, réfugiés et demandeurs d'asile qui vivons dans un système vraiment qui ne nous accorde aucun droit. Alors c'est pour cette raison que nous sommes en train de marcher vers Bruxelles et juste pour porter toutes nos doléances en tant que migrants. Mais, Trésor, tu es de quelle nationalité toi ? Justement, je préfère me définir comme citoyen du monde parce qu'en matière de nationalité, pour moi, c'est une autre forme de discrimination. Alors, je me définis comme citoyen du monde. Bon, ok, citoyen du monde, mais moi j'imagine que tu viens de je ne sais pas où, en tout cas pas de la Belgique, puisque et tu te retrouves ici et tu n'as pas de papier. C'est ça ton problème en gros, tu n'as pas de papier, donc tu peux pas faire ce que tu veux sans papier, tu n'existes pas. Je suis originaire de l'Afrique, s'il faut le dire, et précisément du Cameroun. Mais en matière de cette politique qui discrimine les réfugiés en Europe, c'est ce problème d'identité. Parce que du coup, nous, en tant que réfugiés demandeurs d'asile en Europe, nous sommes victimes de cette politique justement dont je disais tantôt qu'on ne nous accorde aucun droit en matière de régularisation, en matière de papier. Donc voilà, c'est pourquoi nous marchons. Ok, mais quand tu parles de discrimination, c'est plus que de la discrimination, c'est carrément... vous n'existez pas, quoi, carrément. Mais ça, c'est la première chose. Donc, vous n'existez pas, puisque on ne vous reconnaît pas, vous n'existez pas. Mais tu crois, enfin, déjà, une marche, c'est pas mal. Bah, tiens, il y a une voiture de police qui s'arrête. Mais vous êtes combien ici à marcher comme ça ? Donner un chiffre exact, je ne saurais vous donner un chiffre exact, mais nous sommes nombreux à marcher. Mais donner un chiffre exact, ça, je saurais vous le répondre, mais là, nous sommes nombreux. Ok, pas un chiffre exact, mais plus ou moins, pour avoir une notion. Ok, approximativement, là, nous sommes peut-être 300-400 personnes, approximativement. Ouais. Et donc, avec cette marche, vous pensez que il va se passer quelque chose, quoi. En tout cas, c'est mieux ça que rien du tout. Déjà qu'il se passe déjà quelque chose, ça, il faut le notifier. Parce que le système en place ne voudrait pas qu'on traverse des frontières à l'intérieur même de l'Europe sans toutefois avoir soit des autorisations ou quoi que ce soit. Mais l'objectif de notre marche était pour démontrer qu'en fait, si l'Européen a la liberté de circulation, pourquoi pas ceux-là qu'on enferme dans les lagars et puis dans des foyers. Alors nous, on a commencé à briguer ces frontières sans autorisation, sans quoi que ce soit, pour leur montrer qu'en fait, nous avons besoin de cette liberté. Dont eux, ils en ont et que nous, on ne nous accorde pas. Déjà pour nous, c'est quelque chose déjà comme victoire et on espère bien qu'à Bruxelles, on aura une voix et que cette voix qui nous sera accordée, ceux-là qui votent des lois sur la migration, ceux-là qui votent des lois qui pénalisent les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants en Europe, franchement, qui nous voient tout mourants, tout fatigués et qu'ils aient le courage de revoter les mêmes lois qui nous pénalisent. Oui, c'est mal barré. Vous avez quelque chose à dire aussi, vous ? Vous marchez aussi avec Trésor ? Oui, je marche avec Trésor, mais moi, je suis venu de la Tunisie. Moi, je représente 501 familles disparues dans la mer Méditerranée et des mille et mille personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée de toute l'Afrique. Moi, je déteste toutes ces lois, je déteste toute cette politique que voit toujours et chaque jour les personnes mortes. Morts dans la mer et ont rien changé. Est-ce que c'est le droit d'homme ? Est-ce que c'est cette politique bien ? Et on voit les personnes toujours mortes dans la mer et ne veut pas ouvrir les frontières pour les personnes peuvent circuler tranquillement. Et quoi, vous marchez aussi alors du coup, parce qu'évidemment vos revendications sont justes. Hein. Moi qui ai mes papiers... je trouve ça juste ce que vous faites, hein, si. Je veux dire, maintenant... On veut l'égalité, on veut l'égalité de l'Européen comme les Africains. Quand vous venez chez nous tranquillement, eh bien, venez chez nous. Nous voulons que les Africains viennent chez vous et être circulés tranquillement comme vous venez chez nous en Afrique. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Parce que là, il faudrait que l'Europe, au même moment, pendant cette marche, parce que moi, je suis venu du Maroc. Le Maroc qui est un pays qui est reconnu comme un pays touristique et qu'un pays qui tue des Africains en complicité avec l'Union Européenne. Ça, il faut le mentionner. Parce qu'actuellement, au Maroc, il y a des victimes tout le temps. Mais ça, je pense que, enfin, oui, il y a des gens qui quittent leur pays et qui sont prêts à mourir. Et ça, oui. Mais nous ne quittons pas aussi parce que nous voulons. Nous quittons parce que c'est déjà l'Europe qui s'ingère dans nos systèmes, dans nos pays et puis dans nos politiques. Alors ils imposent un système de dictature. Voilà, et ce sont ces troubles, ces problèmes qui font en sorte que nous quittons. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique là où on trouve les entreprises qui fabriquent d'armes. On ne fabrique pas d'armes au Cameroun, en Afrique. Partout, on ne fabrique, mais la plupart des pays africains sont en guerre. Voilà ce qui s'est passé pour ne citer que cet exemple, dernièrement, avec le printemps arabe qui a commencé avec la Tunisie. Mais en Tunisie, on ne fabrique pas d'armes. En Libye, on ne fabrique pas d'armes. En Côte d'Ivoire, on ne fabrique pas d'armes. Et tu sais quelque chose, pour l'Africain peut rester dans son pays, il faut que l'on voit leur pays en dehors de leur pays. Vous avez compris? Non. Pour nous, avoir la situation de notre vie, en Tunisie ou en Algérie, il faut qu'on sorte de la Tunisie, on sorte de l'Algérie, on sorte de toute l'Afrique et on voit la situation et fait la comparaison entre l'Europe et l'Afrique. Et comment on peut faire ça pour nous rester tranquilles dans notre pays? Il faut qu'on sorte de notre pays pour avoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans l'égalité, dans le dictat, dans tous les points. Il faut que tous les Africains sortent de leur pays pour avoir le poids de son pays, de toute la justice. Quoi, ce que vous voulez dire, j'essaie de comprendre parce que c'est pas toujours très clair. Vous voulez dire que vous aimeriez sortir de votre pays pour regarder comment ça se passe ailleurs pour pouvoir le remettre dans votre pays à vous? Si, c'est comme ça. On remet ou on veut visiter toute l'Europe. Quand vous venez chez nous pour visiter, pour avoir les places qui sont pas... Même nous, on veut venir ici pour visiter l'Europe. On veut savoir qu'est l'Europe. Chaque jour, on voit dans les télévisions, l'Europe est bien, l'Europe une chose comme ça. Mais dès que nous avons venu ici, nous ne trouvons pas toutes ces choses. Car on voit que nous ne sommes pas bienvenus chez vous. Même le système de policiers, nous ne trouvons pas que nous bienvenus chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne comprenez pas comment ça se fait quand vous venez ici, voilà. Ben, je pense que si on résume tout à la société dans laquelle on est, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de papier, si vous, voilà, vous n'existez pas, quoi, en gros. Parce que j'imagine, discutons, hein. Trésor, et c'est comment ton prénom? Imed Sultani. Imed. Imagine. Non, mais imagine demain ta situation, parce qu'on est quand même dans une société de fric, capitaliste. Si toi, Trésor, et toi, Ahmed, Imed, tu avais plein d'argent là demain... On sera bienvenu chez vous. On sera... Je veux dire, c'est pas simplement chez nous, c'est partout comme ça, même dans ton pays. Je veux dire, celui qui voyage dans ton pays ou dans le tien, il a quand même l'argent pour prendre un billet d'avion. On sait, beaucoup des Africains se trouvent ici en Europe, travaillent dans une grande place et aident l'Europe pour avancer. Hein? Et ils sont contents de cet Européen. Mais l'Europe avançait où? Qu'est-ce que tu trouves de si merveilleux dans l'Europe, par exemple? Parce que tu as l'air pour, pour nous, les pauvres qui cherchent pour vivre, on ne trouve rien bien ici en Europe. Car je vois que nous ne sommes pais bienvenus chez vous. Moi, je vais redire tout simplement, vous avez parlé tout à l'heure d'un système capitaliste, et c'est bien beau, mais la question que j'aimerais vous poser, ces capitaux, l'Europe, elle a pris ces capitaux où? Si ce n'est pas dans les pays africains, pour la plupart, aujourd'hui, on est en Belgique, mais tout le monde connaît que la Belgique, c'est un régime derrière le Congo. Il faut le mentionner. Aujourd'hui, le Congolais n'est plus accepté en Europe. Il faut le visa, et qu'on le donnera jamais. Aujourd'hui, on nous parlera du capitalisme, mais l'Europe... C'est ça qui est profondément pas juste. C'est que les pays ici ont été volés là-bas. Et puis quand vous êtes, on va dire, ça va pas pour vous que vous venez ici parce que vous avez aussi envie de manger la partie du gâteau. On vous dit, allez-vous-en, quoi, c'est ça. Mais justement, on veut le développement équitable. Nous voulons le développement équitable. Alors il faudrait que, peut-être hier, il y avait ceux-là qui n'étaient pas conscients ou bien n'avaient pas la conscience de tout ce qui s'est passé à l'époque ou bien tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il faudrait que ces mêmes gens sachent qu'il y a une génération qui est bien consciente. Parce que moi, si je parle aujourd'hui, je suis un étudiant qui n'a jamais eu la chance de terminer avec ses études parce que déjà, avec les moyens, là où je viens, il faut payer très cher pour continuer avec les études. Et moi, je sors d'une famille très pauvre. Alors pour moi, la solution, c'est quoi? L'Europe nous a vendu un rêve. Ça, il faut le dire. Si nous quel avons rêve, quel rêve. Les rêves, c'est cette Europe, cette Europe qui est parfumée, cette Europe qui n'est que bien, cette Europe qui ne vit pas de difficultés. Et l'image de l'Afrique qu'on aura maintenant en Europe, c'est cet Africain qui vit dans la mendicité, dans les maladies, c'est ce pauvre Africain. Alors, mais oui, on dit, on est d'accord, nous sommes preuves, on ne dit pas non. Mais l'Europe nous a déstabilisés. Et pour nous, la seule sécurité, c'est de venir là où l'image qui nous a été positive, montrée par cette Europe. Aujourd'hui, on est rejeté. C'est pourquoi nous revendiquons, c'est pourquoi nous marchons. Ils sont forts, ils parlent du capitalisme, ils parlent de ceci, mais nous, il faudrait qu'ils sachent que ces capitaux qu'ils ont aujourd'hui, ils ont pris ça chez nous. Ça, ils le savent, je crois. Hein. Oui, mais ils font la sourde oreille. Ouais. Aujourd'hui, voilà des Africains qui meurent sur les frontières extérieures de l'Europe. Ils meurent, mais ils ne quittent pas parce qu'ils veulent. Mais c'est parce que l'Europe a déstabilisé où ils étaient. Ça, il faut le mentionner. Voilà la Libye. Voilà ce qui s'est passé en Libye. On parle maintenant du, on a parlé du flux, on a parlé du boom de Lampedusa. Vous avez vu le flux? Ça c'est après la révolution. Ça c'est des conséquences de la révolution, des conséquences de la politique européenne. Ça c'est des conséquences. Voilà tout ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà tout ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours aux frontières extérieures de l'Europe. Alors pour moi il est simple. Il faudrait que l'Europe revoie. Bientôt, il y aura des élections sur les lois de la migration. Il faudrait qu'ils revoient ces lois. Il faudrait qu'ils réfléchissent doublement à ce qu'ils comprennent que nous voulons un développement équitable. Nous voulons la liberté de circulation parce qu'eux, ils circulent librement et nous voulons aussi circuler librement. C'est très juste ce que tu dis. Enfin, moi, ça me parle. Merci. D'accord ? Merci bien. Évidemment que c'est la revanche, quoi. Hein. Les pays européens viennent faire un problème, viennent créer des problèmes partout, dans tous les pays. Ils mettent les armes à certains endroits, ils pillent à d'autres, ils font l'esclavage, ok. Du coup, vous êtes là en disant, bah attends, il faut, non, il faut pas qu'il... Il faut qu'il y ait justice, là, il faut arrêter. C'est très bien beau, votre marche, mais c'est pas en marchant que les choses vont changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, ça c'est une stratégie que nous, parce que ce n'est pas seulement des réfugiés, peut-être d'un coin qu'on a travaillé sur ce sujet, la plupart des réfugiés de toute l'Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique même ici, et puis en Italie, nous avons réfléchi et vu que bientôt il y a eu le sommet du parlementaire et bientôt il y aura des élections, il y aura des élections sur les lois de la migration, c'est à Bruxelles. Alors nous on a réfléchi. On a organisé une marche pacifique et que oui, nous, on veut marcher pacifiquement, arriver devant ceux-là qui prennent les décisions, qui tuent, qui pénalisent et les migrants et les demandeurs d'asile et des réfugiés. Alors, tout en nous voyant tout fatigués, parce que ça, c'est notre astuce, c'était notre stratégie, donc qui nous voient fatigués, pour certains peut-être mourants pour d'autres, parce que c'est le cas, nous avons des blessés, nous avons des gens qui sont fatigués, nous avons des épuisés, qui nous voient vraiment en face et qui aient le courage de revoter les mêmes lois tout le temps, qui tuent, qui pénalisent les migrants et les réfugiés, demandeurs d'asile aussi. Une autre chose, maintenant je veux dire à l'Europe, à toute l'Europe, que la révolution que nous avons faite en Tunisie, dans toute l'Europe, va sortir de notre pays et va parler avec tous les Européens. Et on veut le dire, les dictatures que vous mettez dans notre pays, comme Ben Ali, comme les autres, ces dictatures, c'est l'Europe qu'ils sont maîtres dans notre pays pour faire que vous voulez l'Europe, comme la fermeture des frontières que ne peut pas... sortir en Europe, la signature on fait avec ces dictatures. On veut dire, maintenant, on va continuer cette marche, c'est le départ de la révolution pour parler avec l'Europe en même égalité. Youhou ! Et quand vous dites vous, oui. Moi j'y suis pour rien de tout ça. Hein. Si on me demandait mon avis à la table des négociations, je ne serais pas du tout pour. Hein, parce que tu comprends quand il dit vous les Européens. Les politiciens, moi je parle toujours pour le petit, excusez-moi, hein, C'est pour rire. Non, pour le politicien qu'on fait des dictatures dans notre pays. On veut dire terminer ce temps. Maintenant nous sommes. Nous voulons faire une révolution en dehors de notre pays pour parler en égalité avec vous. Il faut oublier cette idée avec les dictatures. Moi, le mot de fin, c'est quoi? Ces mêmes politiques, ils ont marginalisé les migrants. C'est-à-dire ils ont créé un nom qu'on appelle des clandestins. Or, la clandestinité, ce n'est pas un nom qui doit exister. Aujourd'hui, il y a des migrants qui meurent au-delà des frontières extérieures de l'Europe. Pourquoi? Et ce n'est pas des illettrés, ça, il faut le mentionner. Ça, c'est des Africains, c'est des enfants d'Afrique. Et même si c'était des illettrés, je veux dire... Justement, quand je parle des illettrés, c'est pour que l'Europe prenne conscience qu'elle est en train de neutraliser l'Afrique, tout un continent. Parce que là, ce ne sont pas... C'est vrai que même il y a des illettrés, mais je parle, ça c'est entre guillemets, ce ne sont pas des illettrés, c'est-à-dire quoi? C'est des gens, pour eux, ils n'ont plus d'autres alternatives. Parce que dans le système... Soit c'est la drogue, soit c'est de l'alcool, et la fin c'est des prisons. Alors ils ont réfléchi, ils ont pris le courage en main. L'Europe nous a vendu le rêve. Alors il faut qu'on quitte, on va là-bas. Ils nous ont déstabilisés, on va aller là-bas. Aujourd'hui ils sont bloqués aux frontières extérieures de l'Europe. Aujourd'hui mon mot de fin c'est quoi? Il faudrait que ces politiques prennent conscience de cette situation, que ce n'est pas en finançant les pays comme le Maroc, en donnant des centaines de millions d'euros chaque année, qu'il y aura la solution à leur politique. Parce que même le Maroc est complice, c'est l'un des pays complices de cette politique. Alors il faudrait que l'Europe mette un terme à tous ces désastres qui ne fait que tuer au quotidien les migrants aux frontières extérieures de l'Europe. Vite une dernière, c'est quoi que tu dis quand tu dis ils donnent de l'argent au Maroc? Bien sûr, ça c'est pour lutter contre la migration. Ils financent le Maroc. C'est-à-dire, explique concrètement deux, trois mots. C'est-à-dire quoi? Ça c'est, déjà stratégiquement, le Maroc se trouve à une position stratégique avec l'Europe. Parce que Melilla, c'est une terre espagnole qui est dans le Maroc. Ceuta, c'est pareil. Alors, pour expliquer très simplement, le Maroc fait le chantage à l'Europe. Genre, si vous ne versez pas des fonds, nous on ouvre nos frontières et il y a des migrants qui vont arriver chez vous. Aujourd'hui, ils reçoivent des fonds, tout est bloqué, ils sont en complicité avec l'Union européenne et au même moment, ils sont en train de neutraliser la conscience des êtres humains qui ont besoin de plus de droits. Donc c'est ça. Et au même moment, le Maroc est en train de violer extrêmement les lois et les droits des êtres humains. Ça, il faut le mentionner. Il y a beaucoup de rapports contre le Maroc. Il y a Human Rights qui a parlé, qui a fait des rapports. Il y a Médecins Sans Frontières qui a fait des rapports sur cette situation des migrants en territoire marocain. Donc pour moi, il est temps que ces politiques revoient ces situations et qu'ils mettent thème. Ils peuvent trouver d'autres astuces, pour trouver d'autres solutions, mais qu'ils évitent de neutraliser et de tuer des migrants aux frontières extérieures de l'Europe. Le même avec la Tunisie. Mars 2013, on fait une chose avec signalée avec le gouvernement pour fermer plus en plus les frontières et donne beaucoup d'argent à Tunis pour fermer les frontières. Ils ne pensent pas aux hommes. Maintenant, tous les gouvernements pensent que l'argent. Les personnes ne pensent pas à eux, car chaque jour, il y a des hommes morts dans la mer. Et quand on parle de frontières fermées, après on va rejoindre les autres. Hein. Quand on parle de frontières fermées, ça veut dire qu'il y a des gens habillés en soldats avec des mitraillettes qui empêchent vraiment les gens de passer, quoi. C'est ça? Oui, je vais vous parler. Et peut-être vous ne savez pas, mais il faut faire un tour au Maroc. Vous partez exactement dans la ville qu'on appelle Oujda. Vous allez voir des victimes depuis des années de cette frontière où on les appelle des Ali, c'est une force auxiliaire au Maroc, aux frontières avec l'Union, avec de l'Espagne. Ces gens, vraiment, ils traitent des migrants comme des animaux. Moi, je suis passé par là, j'ai été victime de tout ce tralala où on tape, on casse les articulations des êtres humains, où on les neutralise. Il y a des victimes, il y a des vidéos. Regardez même sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos des victimes de ces politiques-là, où on neutralise, on traite un être humain plus qu'un animal, mais ça c'est anormal. Il y a une autre chose, il y a un cimetière des migrants où il y a des familles jusqu'à aujourd'hui, des familles africaines qui ils ne sauront peut-être plus jamais où se trouvent les enfants, même s'il y a des victimes. Mais je pense que tout corps a besoin d'un peu de dignité. Mais quand tu es migrant, tu n'as pas de valeur, tu n'as aucune dignité, tu meurs et voilà, on t'enterre. Il n'y a aucune revendication. Et au même moment, j'aimerais interpeller tous ces diplomates, tous ces ambassadeurs qui sont au Maroc de faire quelque chose. Parce qu'il y a des migrants qui meurent et qui ont besoin d'être identifiés, qui ont besoin d'être honorés dignement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ni où on les enterre, ni où ils se passent, mais il y a des familles qui sont endeuillées partout dans l'Afrique. Alors pour moi, il est temps que tous ces tralala-là, que ces politiciens revoient ces situations et que franchement, qu'ils revoient des lois plus humaines. Parce que c'est ça, ils essayent de voir des lois vraiment humaines pour que franchement, ces zizanies-là, qu'elles ne continuent plus. C'est pourquoi nous parlons au nom de tous ces migrants, parce que nous sommes passés par là, on a vécu toutes ces misères, on a vécu toutes ces politiques, mais nous peut-être, on a eu la chance peut-être de traverser, de ne pas mourir comme tout le reste, et on ne peut pas rester les bras croisés étant arrivé en Europe. C'est pourquoi nous luttons, c'est pourquoi nous marchons, c'est pourquoi nous revendiquons, c'est pourquoi nous aimerons que ces politiques essaient de revoir ces lois qui tuent les migrants. Voilà mon mot de fin. Ok, merci Trésor et merci... Merci aussi à vous. Imed Soltani. Merci aussi à vous. Expliquez-moi cette histoire de Uber, taxi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Uber, en fait, c'est une compagnie créée en Amérique, qui marche très bien en Amérique et qu'ils ont voulu un peu propager ça en Europe. Et comme c'est interdit, qu'ils n'ont aucune formation de taxi pour faire ça, aucune assurance pour transporter les clients, ben voilà, ils se propagent un peu en Europe et voilà, on essaie un peu de les repousser comme du mieux qu'on peut et voilà quoi. Mais expliquez, c'est quoi le problème en fait? Parce que pourquoi ils viennent jusqu'ici en fait? Le problème c'est que voilà, ils essaient un peu de manger dans notre soupe, comme si je peux me permettre. Moi je faisais mon chiffre d'affaires en 8 heures. Maintenant je suis obligé de pousser 15 heures de travail. Le double pratiquement. Ah, ouais, le double vraiment. Le double, parce que c'est une concurrence déloyale en quelque sorte. C'est des, voilà, on vient, on vous chope des clients et on part. Et malheureusement, comme il n'y a pas assez de solidarité dans le taxi, voilà, ils en profitent, ils travaillent. Mais quoi, ils viennent pas d'Amérique quand même, ces taximans? Non, c'est celui-là qui a organisé ça, il vient d'Amérique. C'est une société qui vient d'Amérique, mais qui se propage, voilà, qui se propage en Europe. Ils fondent leur société, voilà quoi. On les reconnaît comment, hein, la différence des taxis justement, on les reconnaît. Ces lois, on va dire. Justement, on ne les reconnaît pas. C'est que voilà, vous avez une voiture assez nouvelle. Vous êtes affilié chez Uber. On vous donne un iPhone. On travaille avec leurs clients. Ils travaillent en fait avec leurs clients. Ah oui, il n'y a même pas de logo taxi, ni de petite enseigne lumineuse. Oh, donc si quelqu'un veut travailler chez Uber, voilà, il va chez Uber, il leur dit voilà, je veux travailler. Mais tu fais de la pub pour Uber en même temps, hein? Non, c'est pas de la pub, je vous dis, vous me posez la question. Mais oui, mais en même temps, en parlant comme ça a l'air simple, tu cherches du travail, tu trouves Uber et voilà, t'es parti, tu fais taximan, quoi. En même temps, c'est pas correct ce qu'ils font, hein, parce que voilà... C'est un travail en black. C'est normal, c'est eux qui poussent les gens à travailler en noir. Comment tu veux, vous avez une voiture? Oui. Si vous allez chez Uber, vous désirez de travailler dans les heures libres que vous avez. Par exemple, vous travaillez jusqu'à 17 heures. Après 17 heures, ils vont te transmettre un smartphone gratuit chez eux. Tu actives de telle heure à telle heure. Et tu restes chez toi à la maison. Et tu attends tes clients. Et tu envoies des courses. Ouais. Et tu envoies des clients, tu pars, tu vas. Et pourquoi vous ne faites pas ça, vous? Pourquoi tu ne changes pas de taxi et tu fais ça? Ah, parce que c'est illégal. Parce que c'est en noir. Ah ouais, c'est en noir et il n'y a aucune formation adéquate pour les clients. Donc c'est-à-dire que les clients, quand ils montent dans une voiture d'Uber, il n'est pas assuré. S'il arrive un accident ou quoi que ce soit, ils ne sont pas assurés. Mais Uber, ils en profitent, ils ne disent pas tous les inconvénients qu'il y a aux chauffeurs. Ils leur disent, voilà, vous voulez travailler, on vous donne un téléphone, vous travaillez avec nos clients et puis basta, quoi. Et eux, en même temps, ils prennent une commission sur chaque course. Voilà, tout simplement. Et quoi, comment vous êtes au courant de tout ça, en fait? Comment ça s'est repéré? Comment vous avez compris ça? Via les réseaux sociaux, via... on est dans les routes tout le temps, on voit ce qui se passe, on entend un peu parler. Bon, ça a été interdit en Belgique, mais ça n'empêche pas qu'ils le font, quoi, en black. Ça a été interdit en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, je pense, mais en France, pas. En France, les taxis Uber sont acceptés? Oui, ils sont acceptés. Il n'y a aucune loi qui dit que c'est interdit. Et voilà. Normalement, ils étaient condamnés. en Allemagne, c'était aussi, ils sont, mais ils sont condamnés. Ici en Belgique, ils parlent aussi des condamnations. Au début, il y a 2, 3, 4 mois qu'ils ont, ils ont saisi 3 taxis. Enfin, pas des taxis, des voitures, et bien, qu'on voiturage, qu'on disait combien de voiturage. C'est vrai, c'est pas des taxis. Pourquoi tu ris? Pourquoi vous riez? Non, je ris parce qu'il fait rire. C'est vrai, c'est pas des taxis. C'est des voitures, je dis, des convoitures. Ils disent que convoiturage. Mais à qui tu le dis? Ah oui, je vois ici au coin, il y a souvent un groupe de blacks là, et ils peuvent aller sur Paris. C'est ça les taxis Uber? Concurrence déloyale, non, c'est pas du tout ça. C'est un système de covoiturage. Oui, ça c'est du covoiturage. Covoiturage, exactement. Ils viennent ici de Paris, ils ramassent les gens à 30 euros par personne pour aller se rendre à Paris. Ils ont leur clientèle, ils viennent ici. Et même l'hôtel Ibis, ils le font à un prix promotion 40 euros ou 30 euros par jour. Ils dorment là-bas et amènent et tout gagné parce qu'ils ne payent pas les lois sociales, ils ne payent rien du tout, tout en black. Peut-être ils se trouvent dans la CPS et puis ce qui vient ici, c'est l'argent en plus. Vous dites? Pour finir, qui perdent, c'est les taximans, les pauvres taximans qui travaillent des fois 12 heures, 13 heures pour gagner quoi, des cacahuètes. Vous avez des clients en moins surtout. Des clients surtout en moins qui, voilà, et on doit pousser tout le temps quoi. Voilà, comme je vous disais, moi, mon chiffre d'affaires, je le faisais 10 heures. Maintenant, je dois pousser jusqu'à 15 heures. C'est hallucinant, quoi. Bah, bonne chance, hein. Ah, je vous remercie, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ces taxis Uber d'exister? Comment on peut faire ça? Essayez de dire à tout le monde que Uber, c'est illégal. Et les personnes ne sont pas assurées, ceux qui montent avec Uber. Donc, voilà, c'est comme si ils montaient les yeux bandés dans une voiture illégale. Avec un, on va dire, entre guillemets, un voyou. Mais j'imagine en fait que ces taximans sont moins chers que les vôtres, évidemment. Les trajets sont moins chers. Ouais, c'est des prix démocratiques, mais bon. Ne sois pas trop intelligent, car tu verrais quelle indigence. Tu serais partout en exil dans la lente enveloppe humaine. Tu penserais aux lacs, aux pays, aux îles, où tu pourrais vivre à la fois au lieu d'aimer ta ville et ton royaume étroit. Tu te dirais, il y a des cœurs et des visages, si je les rencontrais. Toute ma peine, tout mon effort se coucherait devant eux. Comme le lion au pied de Daniel. Que de ciel, que de paysages, perdus avant la vaste mort. J'écris ceci, je pense cela, mais je pourrais aussi faire autre chose. Ne sois pas trop intelligent, car tu verrais quelle solitude. Savoir l'indifférence des gens, savoir ce qu'ils veulent atteindre, et leur course aux faibles ambitions, et ce qu'ils peuvent fournir de plus, et leur adresse à feindre, et leur supérieure incompréhension. Et qu'ils sont tous, et toi aussi, le fruit d'une erreur de la nature des premières nébuleuses du monde, qu'ils sont, parmi les doux végétaux et la tendre race animale, un monstre qui ne fait que le mal, et qui croit être sûr de découvrir les causes profondes, et meurt trop tôt. Ne sois pas trop intelligent, car tu verrais quelle paresse. Puisque tu es dans un rouage, malgré l'erreur, il faut profiter de ton âge et des avidités de la jeunesse et des espérances du cœur. Il ne faut pas te dire à quoi bon. Car si la plus modeste étoile se disait à quoi bon au ciel et s'arrêtait de graviter, il n'y aurait plus rien de ce qui a été. Il y aurait le grand chaos universel. Ne sois pas trop intelligent. Garde ta place et ton devoir et tes enthousiasmes. Crois à ton rôle. Supporte comme Atlas la terre entre tes deux épaules. Et si tu crées, ne deviens pas un spectateur. Porte n'importe où ton dépôt secret et sacré avec la foi du missionnaire qu'on torture chez les papous. Surtout, surtout, sois indulgent, hésite sur le seuil du blâme. On ne sait jamais les raisons ni l'enveloppe intérieure de l'âme, ni ce qu'il y a eu dans les maisons, sous les toits, entre tes gens. Ô mon enfant, il y a le plaisir et l'étude et les plaines fertiles et le rire de la santé ne courent jamais autour de toi. Puisque l'homme peut se complaire entre un néant et ne croit pas et se résigne, à quoi cela sert-il de respirer l'inquiétude et les influences célestes et de se demander si on est digne ? Profite donc de tout le reste !